Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radiolibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! En pissant dessus, déplacer les montagnes avec son gros cul. Il aimait bien dormir, mais ses ronflements faisaient trembler la terre jusqu'au Kurdistan. Je suis la sirène, quelle mauvaise haleine. Je tue les poissons en chantant des chansons. Je suis la sirène qui pète tout le temps. Je lâche les perles qui font couler. Je suis la licorne élevée au LSD, je vis sur des arcs-en-ciel au milieu des poupées. Le parfum babababa me donne de l'eczéma et ses couleurs sur ma crinière me mettent le bide dans l'air. Trouvez-moi une nouvelle épopée, c'est pénible et je commence à m'ennuyer. Moi je m'appelle Dieu, star sur tous les continents. Je suis un peu vieux et un peu incontinent. Je suis l'ami des sirènes et des géants et des licornes et d'autres animaux charmants. La la la la la. Bonsoir, c'était Peace B avec leur morceau Les Quatre Fantastiques. C'est une très belle manière de détourner le programme parce que je vais abuser de mon pouvoir sur le montage de cette émission pour changer l'ordre des présentations. Alors je vais parler de la mère enfant, donc ça c'est un fait, mais je vais le faire avant que Titi n'aborde le Rape and Revenge. En fait, je voudrais remercier Nils et Luz qui m'ont prêté leur voix pour la lecture de quelques textes de la revue que je vais vous présenter. Et leur participation est soutenue par les morceaux de l'album Barbapou du groupe Les Dragibus. C'est dans ce cadre que je vais vous présenter La Mère Enfant, dit Pour Achever l'Enfance, qui est un hors-série de la revue perverse polymorphe Amère, édité par les âmes d'Atala en juin 2011. Mais les âmes d'Atala, c'est quoi? Alors sur leur blog, il et elle se présentent comme une petite maisonnette d'édition consacrée aux littératures finiséculaires qui ont pour but de révéler la monstrueuse beauté des textes déviants, joyaux de la fange pornographique médicale ou prolétaire qui éblouissent la fin du siècle. L'abîme, en somme, et mieux que cela, l'abîme est son cauchemar. Dans la conception de ce numéro hors-série destiné aux enfants, fidèles à l'esprit de la revue, il et elle ont choisi de ne pas choisir entre livre d'adulte ou album jeunesse, privilégiant ainsi le rapport entretenu par les lecteurs et les auditeurs, les lectrices et les auditrices aussi d'ailleurs. Oui, en fait, ça nous concerne à la radio, mais Amère parle surtout du fait que les enfants de 3 ou 4 ans sont très peu à savoir lire et choisir leur lecture de manière autonome, que ces non-lecteurs ou non-lectrices soient adultes ou non d'ailleurs. La signification des textes contenus dans cette revue dépend en fait fortement de la lecture qui en est faite et du rapport entretenu par les adultes avec les enfants. Dans le cadre d'une pédagogie psychologiquement répressive, comme ils disent, n'importe quel texte peut devenir traumatisant, castrateur ou dangereusement moralisateur pour l'enfant qui le reçoit. Les représentations ambivalentes, horribles ou déraisonnables n'interrogent pas les textes ou les auteurs, mais bien le rapport que nous entretenons à la lecture et la façon que nous avons d'envisager l'éducation. Voici quelques petits extraits pour vous donner l'eau à la bouche. Tu me vis de co de vite pipe sol du passage The Taronote Jupe Dame Lame Date Rave Mode Cave Rare Lolo Pile Pipe Luxe Lire Midi Face Boxe Rasse, rame, mine, âme, fesse, jugue, cite, jolie, tire, rage. Il faut aimer les contes d'où qu'ils viennent, de Grèce ou de Norvège, de Souabe ou d'Espagne, de Bretagne ou d'Orient. Ce sont les amandiers en fleurs des jeunes imaginations. Le vent emporte les pétales, la vie dissémine leurs rêves, mais quelque chose est resté qui, malgré tout, portera ses fruits. Et ce fruit-là parfumera tout l'automne. Qui n'a pas cru enfant ne rêvera pas jeune homme. Il faut soigner, au seuil même de sa vie, à ourdir de belles tapisseries de songes, pour orner notre gîte aux approches de l'hiver. Et les beaux rêves même fanés font de somptueuses tapisseries de décembre. Jean Lorrain. Je vous propose d'écouter maintenant le Théâtre du Tilleul qui interprète le méchant Frédéric, issu des récits de Crastignas, que vous retrouvez dans cette revue. C'est bien lui, Crastignas. Jamais, jamais il ne veut on lui coupe les cheveux. Et ses ongles, as-tu vu ça? Ils sont longs à faire peur. Chacun crie avec horreur. Toi, Crastignas, toi, toi. L'histoire du méchant Frédéric. Ce Frédéric. C'est vraiment l'ennemi public. Ha ha ha! Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Aux mouches, il ôte les ailes. Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Il étrangle les tourterelles. Quack! Ha ha ha ha! Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Tue les chats. Miaou. À coups de pavé. Miaou. Ha ha ha ha! Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Et casse des chaises les pieds. Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Il va jusqu'à fouetter sa bonne qui ne le raconte à personne. Non, monsieur Frédéric, arrêtez. Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Non, monsieur Frédéric, non. Oh non, ne recommencez pas, non. Oh non. À la fontaine, un beau gros chien, ayant fort soif, buvait très bien. Hélas, Frédéric le mauvais passa par là avec son fouet. Il fouetta le gros chien très fort. Et le chien hurla à la mort. Mais soudain, le chien bondissant mordit Frédéric jusqu'au sang. Aïe! Frédéric cria comme un sourd. Le chien pensa, c'est bien ton tour. Il prit le fouet. Oh non! Non! Et sans façon, il courut jusqu'à la maison. Frédéric n'est plus si jovial, car sa jambe lui fait très mal. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Et le docteur, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Oh! Entrez, docteur. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Et le docteur l'oblige à boire une potion amère et noire. Monsieur le chien, pendant ce temps, se met à table fort gaiement. Il dévore tout le goûter que Frédéric devait manger, lèche soigneusement le jus, puis boit un coup là-dessus. Près de lui, il garde le fouet qui ne le quittera jamais. Amère nous raconte que par le témoignage personnel de l'auteur, nous savons que l'idée de ces petits récits, qu'Heinrich Hoffmann destinait à son fils de 3 ans, lui est venu de sa pratique clinique. Il dit, ouvrir les guillemets. À cette époque, en 1843, en dehors de ma fonction de médecin des aliénés, j'exerçais la médecine générale en ville. Le médecin a, avec les enfants de 3 à 6 ans, des rapports tout à fait particuliers. Quand l'enfant est en bonne santé, on utilise souvent le médecin comme moyen d'éducation. Si tu manges trop de chocolat, le docteur va venir et il te donnera un médicament très mauvais. Peut-être même, il te posera des sangsues. Il s'ensuit que, lorsque l'enfant est malade et que le docteur entre dans la chambre, le petit hurle de terreur, se débat et cherche à s'enfuir. Tout examen devient impossible. Le médecin ne peut pas perdre des heures à essayer d'apaiser l'enfant. En ce qui me concerne, j'y parvenais habituellement assez vite en utilisant une feuille de papier et un crayon. J'improvise sur le champ une historiette. Je la griffonne en 3 coups de crayon et, en même temps, je la raconte de la façon la plus vivante possible. Le petit récalcitrant se calme, ses larmes se sèchent et le médecin peut donner ses soins aisément. Fermez les guillemets. C'est aussi séduisant, dit Amère, que terrifiant. D'ailleurs, ce livre particulièrement ambivalent a été mis au service de projets éducatifs, esthétiques, politiques ou scientifiques les plus contradictoires, entre pédocentrisme consternant et adultocentrisme séculaire. Ah, c'est toi qui lis tout et moi qui lis le rire. Devenir. Des enfants reviennent tristes et déçus du terrain de sport. Ils se sont fait battre au football par les grands de l'école. C'est alors que l'un des enfants trouve une lampe à huile qu'il s'empresse de faire briller. Tout à coup, un génie sort de leur lampe et dit « Vous avez tous droit à un vœu, mais chacun à son tour. » Le premier « Je voudrais être grand et fort. » Et hop, le garçon devint un athlète, grand et fort. Le deuxième demande la même chose, ainsi que le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Car ils veulent tous être comme leurs copains, et ce jusqu'au dernier du groupe qui est une petite fille. Le génie lui demande « Pourquoi es-tu comme ça, petite fille ?» Parce que nous voilà, c'est qu'ils redeviennent tous comme avant. voice the mouth to play. The moon don't shine as bright day. Leave your supper and leave your sleep. Come to your playfellows in the street. Come with the whoop and come with the cold. Come with the good will or not at all. Cut the ladder and down the wall. A penny laugher will serve us all. Girls and boys come out to play. The moon don't shine as bright day. Leave your supper and leave your sleep. Come to your playfellows in the street. Continuons avec un texte d'Alexandre Vialat. Qu'est-ce que le cheval? Alors ça, c'est le titre qu'Amère a choisi. Mais en fait, ce petit texte s'appelle « Du cheval, de la pantoufle et de la rose des sables ». Il se trouve dans « Éloge du homard et autres insectes utiles » 1987. Qu'est-ce qu'est le cheval? Tout le monde a la notion du cheval. Si on ne l'a pas, il suffit à l'esprit de se représenter un âne. Mais un grand âne, avec la queue moins étriquée. Ou alors un bœuf, en moins gros, sans cornes et avec une crinière. Ou à la rigueur, un homard, mais sans pinces et sans carapace. Monumental, avec le poil luisant et avec des sabots qui sonnent sur une route asphaltée. Ou alors un très grand lapin de 500 kilos qu'on pourrait atteler à une voiture et qui ressemblerait à un cheval ou encore un paquet de lapins. De 500 lapins d'un kilo pièce agglomérés pour faire un lapin synthétique qui aurait une crinière abondante avec une selle et un jockey. Bref. Tous les animaux sont propres à donner une idée du cheval, à condition de les faire déformer par l'esprit dans le sens qui les rapproche réellement du modèle. Ceci n'est qu'un début. Je vous conseille de lire ce hors-série, ainsi que tous les numéros de la revue Amère, soit sur la table de la Lapinothèque, quand elle se redéploiera, soit sur le site des âmes d'Atala. Et pour celles et ceux qui se sentent un peu orphelins et orphelines, avant de retrouver Titi, je vous laisse avec Archie Shep et Jason Moran, qui ont choisi l'illustre « Sometimes I feel like a motherless child », une interprétation de ce célèbre chant d'esclave sur leur nouveau disque « Let my people go ». You know, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone, a long way from home. S'écoute sans plus attendre Esgypt qui a officié et qui officie toujours dans toute une série de groupes dont Esgypt Truncheon, les René Binamé, La Marmite, OMS. Et on va s'écouter cette démo très inspirée par la période Covid actuelle avec son titre Couvre-face. Et on aura certainement l'occasion de faire une spéciale Esgypt avec tout son parcours musical dans l'année qui vient. Couvre-face. Pour ceux et celles qui douteraient encore, faites un effort, pensez aux personnes plus vulnérables. Bedankt aan iedereen die zijn mondmasker draagt aan de haltes, in de voertuigen en in de stations. Qui sème le couvre-feu, récolte l'incendie. Qui sème le couvre-chef, récolte l'anarchie. Qui sème le couvre-lit, récolte la luxure. Qui sème le couvre-face, récolte la morsure. Qui sème le couvre-feu, récolte l'incendie. Qui sème le couvre-chef, récolte l'anarchie. Qui sème le couvre-lit, récolte la luxure. Qui sème le couvre-face, récolte la morsure. A trunk masker is a beast. récolte l'incendie, qui sème le couvre-chef, récolte l'anarchie, qui sème le couvre-lit, récolte la luxure, qui sème le couvre-face, récolte la morsure, qui sème le couvre-feu, récolte l'incendie, qui sème le couvre-chef, récolte l'anarchie, qui sème le couvre-lit, récolte la luxure. Sème le couvre-face, récolte la morsure. Et one masque is verplicht. Et one masque is verplicht. Et one masque is verplicht. Et one masque is verplicht. Et one masque is verplicht. Sème le couvre-feu, récolte l'incendie. Sème le couvre-chef, récolte l'anarchie. Sème le couvre-lit, récolte la luxure. Qui sème le couvre-face, récolte la morsure. Et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise, et toi de masque et surprise. Dirty Weekend, premier roman et non des moindres de Hélène Zahavi. Alors d'emblée, comme je ne veux pas vous spoiler la lecture de cet incroyable roman, je ne ferai que des remarques sur le bord de la route sur laquelle Hélène Zahavi nous amène, pour que vous gardiez la curiosité de ce roman qui décape méchamment. En deux mots, Hélène Zahavi est autrice, scénariste et traductrice anglaise. Elle est la fille d'une mère anglo-russe et d'un père polonais. Elle vit actuellement à Londres ou à Paris. Elle publie en 91 son premier roman, donc Dirty Weekend, donc il est question ici. Le récit d'une jeune femme qui prend une revanche sur les hommes en devenant une tueuse en série. Mais elle a également publié True Romance en 94, ainsi que Donna and the Fat Man, donc Donna et le gros dégoûtant, sorti en 98, et ainsi que le roman Brighton Boy, sorti en 2013. Dans la nuit, une ruelle sombre, on se méfie de l'homme seul ou en bande. Être sur le qui-vive, sentir sa propre vulnérabilité, anticiper le moindre geste de celui qui pourrait agresser. Elsa Dorlin, qui a largement analysé Dirty Weekend, dit des femmes qu'elles sont éduquées à la peur de la cave au parking et qu'elles développent en conséquence une surconnaissance de l'agresseur potentiel. Devenir les expertes des autres pour sauver sa peau, écrit-elle dans Se défendre, une philosophie de la violence qu'on a déjà diffusée à la distro. Ce que Elsa Dorlin appelle le dirty car, le sale car, c'est-à-dire ce soin que l'on met à connaître l'autre pour s'en protéger. La violence endurée génère une posture cognitive émotionnelle négative qui détermine les individus qui la subissent à être constamment à l'affût et à l'écoute du monde et des autres, à vivre dans une inquiétude radicale. L'héroïne du roman noir Dirty Weekend d'Hélène Zahavi, donc Bella, est une de ces jeunes femmes qui pressent le pas dans la rue et se font importuner sans broncher. Un voisin voyeur, un homme entre deux âges dans un bar, le dentiste, mais un jour Bella réplique. Au lieu de subir et d'endurer, elle se défend et tue. À sa sortie en 91, le livre fit scandale. Il fut menacé de censure et d'interdiction de diffusion. Cette fiction porte le récit rare d'une violence incarnée narrée du point de vue de la victime. Une phénoménologie de la proie, où l'autrice rend compte de l'expérience de celle qui subit réflexions humiliantes, gestes déplacés, insultes, coups, violences. Dirty Weekend met en scène ce qu'est être une femme, sa vulnérabilité dans l'espace public, mais aussi entre les quatre murs d'une chambre. Poussé à son paroxysme, le livre montre que les victimes ne restent pas toujours victimes, qu'elles peuvent, à la faveur d'un changement de rapport de pouvoir, ici totalement imaginaire, inverser les positions sociales. Bella voulait qu'on la laisse tranquille. Malgré sa patience à toute épreuve, cela n'a pas été possible. Il a fallu 2 jours de violence sidérante pour que son point de vue soit enfin pris en compte. Alors ce polar est rudement bien écrit, vraiment on est complètement immergé dans cette histoire, je vous le conseille vraiment. Les autrices de polar n'ont pas entendu l'histoire de Harvey Weinstein pour dénoncer les violences faites aux femmes. À lire certains journaux, l'affaire qui porte son nom aurait permis l'émergence de polars féministes. Certes, les thématiques féministes se répandent et le paysage du polar évolue. Cependant, le phénomène n'est pas récent. Il y a déjà plusieurs décennies que les autrices féministes se sont emparées du genre, éminemment populaire mais trop souvent misogyne. Le roman policier est un bon observatoire des changements sociaux, à la fois très codifié et stéréotypé. C'est un miroir grossissant pour les relations entre les sexes. Longtemps peuplé d'hommes héroïques et de femmes victimes, il accueille désormais la figure de la femme criminelle, enquêtrice ou justicière. Qu'est-ce qui a changé? L'idée qu'il n'y a pas une essence féminine éternelle, mais des normes de genre culturellement acquises à son chemin. On en tire les conclusions, les femmes, elles aussi peuvent être violentes. Car il ne suffit pas de transformer l'enquêteur ou l'enquêtrice ou d'occulter les personnages de femmes victimes pour montrer la voie de l'émancipation. C'est bien plutôt en admirant les femmes autonomes qui savent se défendre que nous pouvons élargir notre horizon. Si vous êtes lassé des durs à cuire velus débordant de testostérone, un nouvel univers s'ouvre à vous, le polar féministe. Alors, avis à celles et ceux qui voudraient sortir des sentiers rebattus de la littérature noire, un autre polar est possible. Il existe déjà. Dirty Weekends de Hélène Zahavi, donc à lire absolument. Et on s'écoute tout de suite pour illustrer ça. Blood in my eyes, Tattery Teenage Riot. What you get your delusions from? Come on! Et on s'écoute The Son of the Police de KRS-One, spécialement dédicacé à Adil qui a été tué par la police belge durant ce confinement. The Son of the Police, KRS-One, avec une petite introduction contextuelle. À la suite du décès d'Adil, un jeune âgé de 19 ans, des émeutes ont éclaté à Anderlecht et des heurts avec la police ont eu lieu. On voit ce qui s'est notamment produit pendant ces événements. Des jeunes ont couru vers la police pour manifester. La réponse ne s'est pas fait attendre. Des jets d'eau ont été envoyés. Assassin, a-t-on pu entendre? Des pierres ont été lancées contre la police. Très vite, la sirène du camion à eau retentit de nouveau pour disperser les groupes de jeunes. My great-grandfather dealt with the cops. My great-grandfather had to deal with the cops. sound of the beast. Voilà, là on va s'écouter une impro des Binamés lors de la Baboum de Noël de ce vendredi 25 décembre 2020. Et donc c'est une impro qui dure 8-9 minutes, très teintée d'influence New Wave, on pense beaucoup à Joy Division. Mais voilà, c'est la patte des Binamés sur cette impro. Thank you. Quelle énergie, c'est Binamé. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec les Lapins Électriques, avec le titre Ouvert Fermé, ou anciennement Balkan, sorti sur un split album avec Krakenizer en 2016, le tout masterisé et mixé par Esgypt. On avait sorti ça sur le label Arech, donc tout de suite, Balkan, Ouvert Fermé. L'idole de la rue Santouri. Ouvert. Hard discount allemand. Ouvert. La petite épicerie du coin. Fermé. Le garage de voiture. Fermé. Deux garages de moto bon marché. Ouvert. L'usine de papier. Fermé. La ferme du vieux Dimitri. Ouvert. Trouver un concert dans une société fermée. Fermé. Chier sur la Troïka. Ouvert. Se retrouver à 3h du matin entouré par des néo-nazis. Ouvert. Un crâne ouvert. Ouvert. Frapper un néo-nazi. Se faire frapper par trois néo-nazis. Ouvert. Moi en prison. Ouvert. S'échapper de prison. Fermé. Grève de 24 heures car le service public ne fonctionne plus. Ouvert. S'échapper de prison. Ouvert. Vouloir en rester là. Fermé. Frontières ouvertes. Fermé. Europe. Fermé. Un camion à la plaque roumaine. Ouvert. Se retrouver sous la pluie de Bruxelles. Ouvert. Thank you. Et salut les méduses, vous étiez à l'écoute de Tranche de Nard, section La Distrolapinothèque sur le 87.7 FM. Alors la rediffusion, c'est ce vendredi 1er janvier 2021 à 21h sur le 87.7 FM ou sur radioairelibre.net. Vous pouvez écouter tous les podcasts de l'émission sur le blog de tranchedanard.noblogs.org et également sur leslapinselectriques.blogspot.com où on a d'ailleurs compilé toute une série de podcasts de toutes les émissions de cette année qui vient de s'écouler. Et on vous invite à aller faire un petit coup d'œil parce qu'il y a pas mal d'émissions à réécouter très intéressantes, notamment l'émission qu'on avait fait le 18 novembre sur la revue Chéri Bibi, avec l'interview de Daniel de la revue contre-culturelle Chéri Bibi. Il y avait également, vous pouvez écouter toutes les émissions hors série de Tranche d'Anard à la cloche de bois sur les questions de squat et logement. Et voilà, enfin, il y a pas mal de trucs qui vaut la peine à réécouter. Et donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain, le mercredi 27 janvier 2021, pour une prochaine Distrolapinothèque sur Tranche de Nard sur Radio Air Libre. À bientôt, salut! Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Une invasion de lapins eut lieu et menace toujours. Des lapins si nombreux qu'ils mettent la vie de l'homme en danger en dévorant ses récoltes et détruisant ses biens. Jusque le matin, et ils dormaient bien. Ils ne savaient rien, et ils se sentaient bien. Ils ne pensaient à rien, et c'était mieux que rien. Ils dormaient le matin, et on est des lapins. La Distrolapinothèque est un espace de diffusion de tracts, de brochures, de vinyles, de livres. Plane et plonge dans la culture punk, alternative et populaire, et dans les mouvements sociaux. Vous pouvez nous retrouver lors de concerts, de discussions pour parler, emporter ce qui vous plaît, soit à prix de soutien, soit à prix coûtant, parce qu'on fait pas de bénéf. On est sur les ondes de Radio Air Libre, tous les derniers mercredis du mois, dans l'émission Tranche de Nard, à 20h30, sur le 87.7, écoutable et réécoutable, sur le site de radioairlibre.net. Vous pouvez nous appeler au 02 344 58 55, ou nous écrire au 365A, Chaussée d'Eisenberg, à Bruxelles.